Skyrock et le dimanche soir, rendez-vous avec Rise Supreme, DJ Case. Et là, comment va? Très, très, très, très bien. Ça va, la semaine est belle? La semaine est très belle. Tu reviens d'où? Alors, moi, je reviens de Chartres. Chartres, ouais. Sympa. Très, très sympa, voilà. D'autres soirées aussi qu'on annoncera durant la soirée, ce soir? Exactement, et ce soir, là, on va se faire une heure de fête, comme si on était en boîte de nuit. Eh ben, ça tombe bien. Donc, coup d'envoi de la soirée avec DJ Case au platine. Au programme, quoi? Des nouveautés? Nouveauté, mix classique, la guerre. Et ben, coup d'envoi de la guerre maintenant avec DJ Case au platine. C'est parti pour une nouvelle émission Rise Supreme. Go! Let's go! Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rise Supreme en direct sur Skyrock. Skyrock. D'être la fierté de mon bled, salut au président. Ça coule dans le sang, comme dans le sang, puis en sang. J'ajuste la crosse en dansant. Pensant au notre pays, ici avant la pensant au notre pays, ici avant la vie. Ils veulent donner des ordres, y'a que les vendus qui obéissent. Dans les gardes, on s'éternise, on frappe à balai du râle. Nos réputations sternisent, c'est que des meurs qui font bras. Y'a pas de bras, après ton délire, on t'admire. Je m'énerve pas, après je m'en irai. Vivant, on y pète, faut en garder l'espoir. Comme nos grands-pères, entre mer, les notifs, et l'histoire. C'est un plus tard, les faits qui en transe. Pour ceux qui quittent leur famille en sanglant. En France, on les tient là-bas, et son profil à faire un flic. C'est que j'aime, c'est j'aime, et ça me l'a fait.

Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. تلعبي عليه العشرة ما يعودش الخضرة يكون راجل مرة لا لا بالزف على درويش انت باغية واحد يكون دمه بارد ساكنتي مجامل تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة عشرة ما يعودش الخضرة يكون راجل مرة لا لا بالزف على درويش ملكش ليك ما تلقي ليا بالزف عليك صعيب تلعبي بيا ملكش ليك ما تلقي ليا شكون اللي كذب عليك وقالك باقي نيا باقي ملكش ليك ما تلقي ليا بزاف عليك وصعيب تلعبي بيا انا ملكش ليك ما تلقي ليا شكون اللي كذب عليك وقالك باقي نيا Suprême en direct sur Skyrock. C'est Skyrock le dimanche soir et c'est Rail Suprême avec DJ Case au contrôle. Ouais. DJ Case qui est là ce soir mais qui est aussi dans le monde entier. Exactement. Alors vendredi 30, je suis à Montpellier au Dubaï et samedi 31 au Peepers Club, c'est au Luxembourg. On va aller voir nos amis Luxembourg. C'est sympa le Luxembourg. C'est aussi la chicha de mon ami Ali qui nous a mis bien. Qui d'ailleurs nous a bien ce soir, enfumé. On salue, voilà. Alors c'est Ali du Velvet Chicha qui est au 146 rue de Crimée dans le 19e, les meilleurs chichas de Paris. Voilà, direction 146 rue de Crimée pour ceux qui sont sur Paris, la région parisienne. Voilà, et il fait des soirées loup-garou le jeudi soir. Ah, loup-garou. Voilà, faudra que j'ai expliqué le concept de loup-garou. Tu as pas été encore? Non, mais je sais que c'est à la mode, mais j'ai pas encore. Mais apparemment, ça plaît. Allons chasser le loup. Le loup, ce jeudi soir. Voilà, donc on le remercie de nous avoir amené ces chichas, super sympa. Bien. Voilà. Et on est reparti dans un instant. On est reparti avec du très très lourd. Le son de Rail Suprême, c'est tout de suite. Are you ready? Let's go! Rail Suprême en direct sur Skyrock. Famille, c'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit 1h avec Fred pour une heure de mix de folie. Dimanche soir, DJ Kaze te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Skyrock. c'est DJ Case, DJ Case. Japonais, Willy, Willy, Willy. Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Skyrock. Get it. yanı beni ortan yerinden çatlatıyor. Bazen nasıl kızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan hele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu. Seni gidip ındık kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderin püskül bela yakalarsan. Seni gidip ındık kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderin püskül bela yakalarsan. Takmış koluna elin adamını beni ortan yerinden çatlatıyor. Ağzım nasıl kızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan hele güne rezil olduk. Yeni alet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu. Seni gidip ındık kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderin püskül bela yakalarsam. Seni gidip ındık kıran yılanı deliğinden çıkaran. Suprême en direct sur Skyrock. We'll be right back. Rai Supreme. C'est DJ Kayz, DJ Kayz. geniş bir kene öyle bulmalı kene bir sohbet ne olur yeti getirdin etti kule gidim abi nerede geniş bir kene öyle bulmalı uya uya uya ray ray day day day day day day day Dimanche soir DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. C'est déjà la fin. DJ Case, Rail Suprême reviendra la semaine prochaine, une semaine mouvementée puisqu'il y a la Cannes aussi. Bien sûr, il y a la Cannes. Tu supportes 1-2-3 1-2-3, ouais. D'ailleurs, on a pu mettre des petits chants de supporters. Des chants pour supporter. On est obligé. L'Algérie qui jouera mardi, hein, si je dis pas de bêtises, prochain match. Mardi, on leur souhaite bon courage ainsi qu'à la Tunisie. La Tunisie aussi, qui joue aussi demain soir, donc on suivra ça évidemment. On leur souhaite vraiment d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Peut-être une finale peut-être. Algérie-Tunisie. Pourquoi pas, le bordel. Pourquoi pas. Et on verra, on suivra ça. Je sais pas si c'est techniquement possible, mais dans tous les cas, nous on va faire la fête vendredi à Montpellier. Et bah direction Montpellier, c'est au Dubaï. Et voilà. Et samedi au Luxembourg au Pipers Discothèque. Voilà, ça roule. Merci à toi Case. Merci à vous. Et on peut aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook DJ Case et sur Twitter et Instagram DJ Case Paris. On remercie encore notre ami Ali qui nous a amené les chichas. Le Velvet Paris, 19e arrondissement, 546 rue de Crimée. Voilà, il fait ses soirées loup-garou le jeudi soir. Et bah, allons chasser le loup souhait cette semaine. Merci Case. Merci à vous. Ciao, bonne soirée, c'est reparti sur Skyrock Rap R&B en non-stop.